France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 92. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 28 octobre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es le pays du soleil couchant. Tu es corne de gazelle ou gazelle en sarouel. Tu es Humphrey Bogart à Casablanca ou Humphrey vachement plaisir d'aller à Agadir. Tu es en babouche et djellaba sur la place Jama El Fna. Tu es cendrier berbère et tu es aussi... Al-Khala au Mangin Palace, tarhab bikoum, fil malakat il mourib. Oui, et que désirez-vous? Vous souhaitez la bienvenue à Casablanca et un agréable séjour au Maroc. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu veux Warzazat et mourir. Tu es Wario Royaume du Maroc. Alors, ce matin, nous avions prévu de prendre un peu de distance avec M. Sarkozy afin d'éviter de participer au harcèlement médiatique qu'il subit, le pauvre. On s'était donc dit, allons passer quelques jours peinards au Maroc. Et v'là-t-y pas qui nous emboîte le pas, le chef de l'État, là. À croire que il ne peut pas se passer de nous, celui-là. Mais bon, nos billets d'avion étaient non remboursables, c'est pourquoi, malgré tout, la panique au Mangin Palace va te proposer, durant 53 minutes, une petite flânerie marocaine. Et pour commencer, de la canonnière d'Agadir au TGV Casablanca-Tanger, nous tenterons d'appréhender les liens anciens qui unissent la France et le Maroc. Ensuite, durant quelques minutes, nous déambulerons dans les ruelles d'une médina marocaine afin de te faire découvrir la vie quotidienne dans ce pays du Maghreb. D'ailleurs, afin d'enrichir notre propos pour lutter contre les clichés, nous accueillerons un incontestable prince marocain, le facétieux Gad Elmaleh. Et puis, dans la foulée, évidemment, nous allons croiser M. Sarkozy en visite d'État avec des tas de ministres à l'occasion d'un sacré voyage organisé, une authentique fantasia politico-diplomatique. Et enfin, nous accompagnerons Jean-Claude à Marrakech dans sa recherche d'un riad traditionnel où il compte bien passer ses vieux jours avec Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son, oublie les rabat-joie et ça ouïra bien. Bye. Rock the Casbah, une petite merveille des clashs, 5 lustres et pas une ride. Mais c'est aussi ce que fredonnait ces derniers temps Serge Dassault, qui espérait enfin refourguer ses rafales à la Casbah du Maroc. Seulement voilà, M6 a préféré les F-16, résultat, ce fut The Clash. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de traverser la Méditerranée dans le but ludique d'effectuer une visite exotique et complètement informelle du Maroc. Et pour commencer notre balade, au pied du massif de l'Atlas, nous allons survoler durant quelques minutes, entre franche amitié et brouille passagère, l'histoire des relations franco-marocaines. La présence française débute véritablement à la fin du 19e siècle. En effet, les Espagnols et les Français profitent de l'instabilité politique au Maroc pour s'installer pépère dans le pays du soleil couchant, où les sultans descendent directement de Mahomet. Et même les Allemands, dis donc, tentent de prendre une part du gâteau, enfin du macroute, et envoient en 1911 une canonnière dans la baie d'Agadir. Grosse tension jusqu'à ce que l'Allemagne abandonne ses prétentions sur le Maroc en échange de l'Afrique équatoriale. La France a alors les mains libres et en 1912, le sultan Abd al-Hafid est contraint d'accepter le protectorat français. Le général Lyautey, figure emblématique, devient alors résident général de France au Maroc. Lyautey tente dès lors de s'attirer les élites et de respecter les traditions de ce pays qui le fascine. Casablanca, ville étrange et troublante, j'aime tes rues chaudes et ta foule grouillante, indigène avec leur djellaba, qui vers la mosquée s'en vont prier Allah. Casablanca, du fond des cafés morts, dans l'air mystérieux monte jusqu'à l'aurore le tam-tam de l'islam et le parfum des kawas. C'est ça, Casablanca. C'est ça, Casablanca, comme l'avait d'ailleurs imaginé Lyautey dans un protectorat français. Autrement dit, une colonisation qui ne dit pas son nom. Pourtant, l'opposition à la présence française reste vive. Ainsi, au début des années 1920, un soulèvement dans le nord du pays est très sévèrement réprimé par des généraux français envoyés jouer les shérifs dans le Rif. Là, évidemment, les joyeux colonisateurs sont très déçus par l'attitude des indigènes. Ça nous a déçus. C'est plein d'Arabes partout. Des Arabes, des Arabes, des Arabes. Que ça, que ça. Oh, que ça. Les porteurs arabes. Bon, ça, normal. Mais les douaniers arabes. Les policiers arabes. Tous. Je vous dis, ils sont chez eux. Eh oui, ils sont chez eux, les berbères et les arabes. Du reste, la guerre du Rif est un moment très fort de l'anticolonialisme. Pourtant, les relations avec la France demeurent officiellement cordiales. Ainsi, le prince Hassan, futur 2, vient faire son droit en France, à Bordeaux précisément. Mais en 1951, quand il a terminé ses études, et à la demande de son père le sultan, Hassan doit rentrer Fissa au bled. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Hassan, le futur roi, est donc de retour au Maroc en 1951. Son daron, le sultan, soutient alors le parti indépendantiste Istiklal et en 1956, alors que la France s'enfonce dans le bourbier algérien, le Maroc proclame son indépendance. Ici Jean Lefebvre qui vous parle de Rabat. Explosion de joie populaire au Maroc dès hier soir, les drapeaux ont jailli de partout. Vous n'empruntez pas un taxi qui ne soit enrubanné d'oriflammes rouges et vertes, pas une boutique marocaine, si modeste soit-elle, qui ne disparaissent aujourd'hui sous les portraits du sultan et les étoiles marocaines. On n'a pas dormi de la nuit, on s'apprête à faire de même ce soir. On a déserté chantier et pupitre d'école. Le vice-président du conseil, M. Zrari, est venu dans la soirée annoncer, très ému, au micro de Radio Maroc, que le 2 mars serait désormais fête nationale. J'ai croisé ce matin un long cortège d'écoliers et d'écolières s'égosillant du chant de l'Istiklal, devenu chant patriotique, voire national. L'indépendance du Maroc est donc proclamée en 1956 et le sultan prend alors le titre de roi, c'est Mohamed V, le père d'Hassan II. Et là encore, rebelote, il y a des râleurs en France. C'est plein d'Arabes! Partout, tous! Même le roi! Ils ont un roi, on l'a vu une fois aux actualités, il s'exprime très correctement, il a l'air de très bonne famille... Eh ben, il paraît que c'est un Arabe! Je vous dis, ils sont chez eux! J'ai dit à Simon, nous, c'est la dernière fois qu'on met les pieds aux colonies. Et oui, en effet, le roi du Maroc est arabe. En 1961, Hassan succède à son père. Et sous le règne d'Hassan II, les relations franco-marocaines, officiellement au beau fixe, connaissent à nouveau de grosses tensions. Car c'est notamment le cas en 1965 avec l'affaire Ben Barka, un opposant socialiste au roi du Maroc, enlevé par des policiers français en plein Paris, à Saint-Germain-des-Prés, pour une petite excursion touristique. Vous êtes les bienvenus, je tiens à vous dire, vous êtes les bienvenus dans notre autocar de prestige à Santo. Visite, excursion et petite escapade en tout genre. Et oui, avec Hassan Tour, on a vite fait le tour. Le corps de Ben Barka n'a jamais été retrouvé. Une affaire à laquelle le pouvoir marocain refuse de donner suite, voulant affirmer plus que jamais son indépendance face à la France. Mais l'influence culturelle française reste cependant très importante au Maroc et se mêle aux traditions même sous les voûtes du palais royal. Il a 12 ans, les Marocains le connaissent et l'aiment beaucoup. Il apparaît souvent dans les manifestations officielles avec son père Hassan II. Le prince héritier est l'objet ici des mêmes signes de respect et d'admiration que le roi. Il est né comme lui sur les marches d'un trône. Comment sont organisées vos journées ? Je me lève à 6h du matin, après les cours d'éducation religieuse. Je pars au collège royal, où il y a des professeurs qui m'enseignent le français, l'arabe, les mathématiques, la géographie, les sciences naturelles, l'éducation physique, etc. Est-ce que vous pensez déjà à votre avenir et à votre charge future ? Grâce à l'éducation que me donne mon auguste père, Sa Majesté Hassan II, et l'instruction sur laquelle il veille avec beaucoup de soin, je souhaite réaliser... Les espoirs qu'il place en moi. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. Mohamed VI succède donc à son père Hassan II en 1999, ce qui pour beaucoup a été perçu comme le début d'une ère nouvelle, un espoir de démocratie et de respect des droits de l'homme, et des femmes aussi, comme l'espoir d'un champ de liberté. ما فيهاش حق ما فيهاش نار ولا خصام بين شر C'était Samira Ben Saïd qui chantait en 1981 Bitaqat al-Hub, chanson avec laquelle elle terminera 18e du merveilleux concours de l'Eurovision. Alors, la clepsydre du Morchin Palace nous indique qu'il est désormais 11h21, l'heure de nous engouffrer paisiblement dans les ruelles d'une médina marocaine, dans l'espoir bien sûr d'essayer de saisir ce qu'est la vie quotidienne sous le soleil du Maroc. Oui, mon ami, que découvres-tu par exemple lorsque tu franchis la porte de Bab el Khemis à Marrakech ? Eh bien, flâner dans la vieille ville d'une cité marocaine, c'est avant tout prendre conscience de la richesse ancestrale des civilisations du Maghreb. Certes, il arrive bien souvent que les imbéciles se moquent aisément de la vétusté de l'architecture. Mais savent-ils, par exemple, que dans la mythologie grecque, le titan Atlas était un authentique résident marocain où il fit construire notamment le sublime jardin des Hespérides. Au Maroc, Atlas avait également la charge de soutenir sur ses épaules l'ensemble de la voûte céleste. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui encore en médecine, la première cervicale qui soutient l'ensemble de ton crâne s'appelle Atlas. Et oui, les origines étymologiques de ton épine dorsale sont en quelque sorte marocaines. Et puis surtout, déambuler dans les ruelles d'une médina, c'est comprendre très vite que l'image du vieux Marocain assis sur le dos d'un bourricot qui se trimballe dans les plaines du Rif constitue aujourd'hui une vision du Maroc totalement obsolète. Le Maroc grouille d'une jeunesse pleine d'énergie, une jeunesse qui d'ailleurs partage parfois les mêmes problèmes que les adolescents européens. Cet été encore, je me suis fait contrôler par la police au Maroc parce qu'apparemment j'aurais grillé un feu vert. Ils m'ont parqué sur le côté à la Robocop. Il y en a un, il voulait me faire sortir de force. Il a braqué une arme sur moi, il m'a dit « L'humain du l'air. Ouvrez la porte. L'humain du l'air. Ouvrez la porte. Avec la bouche, je m'en fous. » Heureusement, au bout de quelques secondes, il m'avait reconnu. Mais c'est Jamel Bedouze. Oh, l'arabe, c'est Jamel Bedouze. Alors là, quand je vais dire à ma fille que j'ai vu Jamel Bedouze, elle va être contente, je te jure. Couché, bouge pas. C'est pas parce que tu es Jamel Bedouze que la loi, elle va pas venir, hein. Ici, on est au Maroc, monsieur, c'est un pays civilisé, même s'il fait chaud. Eh oui, vivre au Maroc, c'est vivre sous le cagnard. Mais là encore, le cliché occidental consiste à répondre que quand il fait chaud, le Marocain, lui, n'a rien trouvé de mieux qu'un thé à la menthe bouillant pour se désaltérer. Eh bien non. Dans le souk de Marrakech, par exemple, la jeunesse sait également apprécier les boissons gazeuses rafraîchissantes. Orangina, fais où est-ce que le cher ? Hello ! Orangina, je dis d'amour à l'être urbain. Vous la camelou le bain, chrob ou t'mta. Chrob ou t'mta. Gazeuse et rafraîchissante, la boisson, certes. Mais il s'agit néanmoins d'éviter de picoler trop de bière au Maroc, puisque la consommation d'alcool est strictement interdite par la religion musulmane. Cela dit, depuis le 15e siècle maintenant, la jeunesse marocaine a su développer une petite alternative à cette interdiction coranique. Évidemment, il faut immédiatement préciser qu'au Maroc, le cannabis n'est pas plus légalisé qu'en France. C'est encore un cliché, bien entendu. Alors, sans drogue et sans alcool, quelles sont les sources de vices offertes à la jeunesse marocaine d'aujourd'hui ? Eh bien, entre autres, comme chez nous, les mômes du Maroc écoutent de la musique à la radio. Avec nous, Biri, qui est un animateur le plus connu des animateurs de la radio marocaine. Bonjour. Bonjour. Bon, Biri, quels sont les chanteurs qui sont très connus ici dans les classements que vous faites des chanteurs français ? Oh ben, je crois, enfin, les plus connus sont ceux qui sont connus en France. Que vous diffusez. Il y a deux dames qui sont bien classées. Il y a Nicole Croisi avec cette dernière, là, une femme avec toi. Il y a Mireille Mathieu avec Ce qui te passe, on se dit adieu. Ces derniers jours, Gérard Lenormand, qui d'ailleurs était en visite au Maroc et il a chanté à Casa et à Rabat, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 jours, et avec sa dernière chanson. Et moi, je chante, je crois que c'est elle qui est classée première à notre hit parade. Mais je crois que le reste des chanteurs français et chanteuses est connu autant au Maroc qu'en France. Alors là, primo, on s'aperçoit des ravages de l'influence culturelle française sur les pays du Maghreb. Comment peut-on défendre ensuite les bienfaits de la colonisation, non ? Et secondo, j'entends certains ricaner. Mais franchement, qui est capable ce matin, ici en France, de nous citer quelques chanteurs marocains contemporains ? Presque personne. Nous sommes des minables. Enfin bon, rassure-toi, car en réalité, la jeunesse du Maroc a parfois d'autres soucis que de se fader Mireille Mathieu. Mais t'as qu'à te convertir à l'islam, c'est juste une toute petite phrase à dire en arabe, et après ils arrêteront de nous faire chier avec leurs conneries. Non, toi tu vas te convertir. Non, ça va pas, non. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Tu veux qu'ils me tuent chez moi ? Tu crois que je vais devenir juif ? Pourquoi ? Comment pourquoi ? C'est comme ça chez eux, c'est beaucoup trop la honte. Mais soyez avec vous les Arabes, toujours la même. Quoi, nous les Arabes ? Vous voulez que tout le monde se convertisse et vous faites jamais aucun effort. Aïe, aïe, aïe, vous, les Arabes, on va bientôt se jeter des pierres. J'ai rien compris, Yuri. Moi, j'en ai rien à foutre de la religion. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir t'embrasser quand je veux, où je veux. Convaincre sa famille qu'elle voudrait bien épouser un juif ou un chrétien, voilà une véritable difficulté que rencontre parfois la jeune femme musulmane du Maroc d'aujourd'hui. Encore que, bien souvent, même mariée à un musulman, cette jeune femme du Maghreb n'est pas vraiment sortie de la casbah. Vous dites de la fidélité. C'est le bonheur d'un ménage, parlez d'exclusivité et de l'amour sans partage. Vous êtes jalouse et cruelle, vous avez un cœur de roche et vous provoquez sans duel. Tous les hommes qui m'approchent, je trouve ça rigolo, légèrement bello. Si vous étiez un coquin, vous diriez quand j'ai une touche, je suis pas cocu, c'est certain. Bien sûr, le royaume du Maroc n'est pas un régime d'intégristes, surtout depuis les réformes de Mohamed VI. Mais bon, on ne peut pas dire non plus que la femme au Maroc soit réellement considérée comme l'égale de l'homme, une sorte de déséquilibre qui perdure, du moins dans les mentalités. Tu me diras, en Europe aussi, il y a encore un peu de boulot. Hein. Cela dit, dirigeons-nous plutôt maintenant vers un authentique prince éclairé du Maroc, le facétieux Gad Elmaleh, pourfendeur malicieux de clichés français. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Ce qui est bien quand t'es marocain, quand tu vas aux States, si tu sais comment leur dire que t'es marocain en anglais, tu passes pour un américain. Moi, j'adore faire ça. Ils me demandent d'où je suis, on me dit « Where are you from ?» Et moi je réponds « Oh, I'm a Moroccan. » Et là ils disent « But really ? From America ?» Là tu dis « From America. » Ça passe. En France c'est différent. En France il existe encore, il subsiste encore malheureusement. Quelques clichés. Oh, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent « Gad, t'es d'origine marocaine ?» Tu dis « Ouais », ils disent « Ah, putain, j'adore le couscous. » Tu me vois comme un couscous, c'est ça ? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles ? C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois, toi, de ma vie, je parlais comme ça hein ? Ah, c'est cliché, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, tu sais, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent, allez hop, hé oh, Abdoulaye et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh, dis donc, hein, les rali ralou rala, là, je sais pas quoi, là. Hein, you, les Indiens et compagnie, allez hop, hop, hop. Ça m'énerve ces clichés, on est tous différents, mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Should I? C'était la gazelle Kylie Minogue qui nous offrait en exclusivité « Two Hearts », autrement dit « Docker ». Parce que sur les quais du port de Tanger, il y a toujours un docker qui litare Benjeloun et qui minote. Alors maintenant, pour prolonger notre escapade marocaine, la panique au Mangin Palace va te dévoiler les coulisses de la visite d'État au Royaume du Maroc qu'a effectuée cette semaine le président Sarkozy. Bien sûr, c'est une indiscrétion et c'est mal de se mêler de la vie privée de Nicolas Sarkozy, lui qui a toujours su protéger sa famille en l'éloignant des flashs des journalistes. Mais bon, là, président Sarkozy, tel un jeune célibataire, a organisé un séjour avec quelques amis ministres à Marrakech. Et à peine monté dans l'avion qui se dirigeait vers l'aéroport Ménara lundi dernier, Nicolas Sarkozy a su mettre de l'ambiance tel un géo du Club Med. Ah, tu ma femme, t'étais jolie. Quitte-moi et refais ta vie. Je préférais la fleur des champs à celle de tes 20 printemps. Ah, tu ma femme, tu étais belle. Ah, ce qu'en disaient mes amis. Il faisait bon dans mon logis. Ah, tu ma femme, j'avais du cœur. Chantons d'Arla, dire la tata. Chantons d'Arla, dire la tata. Une fois sur place, Nicolas Sarkozy, qui connaît bien le pays, a décidé de jouer les guides touristiques pour ses compagnons de voyage, avec en tête Jean-Louis Borloo, Rachida Dati et Bernard Kouchner. Monsieur Sarkozy, c'est dans le souk de Marrakech qu'il les a directement conduits. Alors tu vois ici, c'est le souk, comme dans ta chambre. Toujours en désordre, mais chaque chose à sa place. Comme tu l'as remarqué, le souk de Marrakech, c'est aussi l'empire de la babouche. S'il vous plaît, je peux vous prendre la babouche? Mon Dieu! Une babouche américaine! Tiens, tu sais quoi? Je vais l'appeler Georges. Georges Babouche! Oh, Marrakech, que c'est beau, la babouche! Alors, tu vois, ici, c'est ce qu'on appelle le petit bazar. Et oui, il y en a. Chez mon ami Mehdi. Salam alaikum. Alaikum salam. Malaikum salam. C'est du verlan. Salam alaikum. Nicolas Sarkozy se dit que, tout de même, Serge Dassault aurait tout intérêt à venir faire un petit stage de vente dans le souk de Marrakech pour refourguer ses rafales. Ainsi, Nicolas Sarkozy est euphorique de cette balade dans la Médina. Il conduit d'ailleurs les ministres avec leurs Marocains dans un petit restaurant qu'il a lui-même repéré. Et là, c'est bonne ambiance. C'est surprenant et appétissant. Ça fait grossir? Oh, si on en mange trop, oui. Je vais goûter. Pas mauvais, hein? Eh ben. Pas d'assiette. Non? Non. Ni couvert. Ça simplifie. Non, si je comprends bien, on plonge dedans. Si vous permettez, je vais vous montrer. Oui, voilà. Vous n'utilisez que les deux premiers doigts et le pouce de la main droite. Hein? Ne vous servez jamais des autres doigts. La main gauche n'a rien à faire sur la table. Ah bon? Tenez, regardez. Servez-vous. Je vais vous le tenir. Bon, Jean-Louis Borloo plonge son poing dans le plat pendant que Bernard Kouchner, lui, picore un ou deux pois chiches car il surveille sa ligne. Après le couscous, c'est narguilé pour tout le monde, mais très vite, Jean-Louis Borloo a la digestion difficile. J'ai dû fumer, merguez, j'ai plus les yeux en face des trous. Elles sont fortes cette année, les merguez, je vole au-dessus d'un nid de coucou. Mon estomac fait du trapèze, j'ai disjoncté du cervelet. J'ai dû fumer une ergue et je me sens pas très bien. Jean-Louis Borloo se vautre donc sur un magnifique pouf en cuir joliment décoré, pendant que le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, décide d'entamer une séance de révision. En effet, le lendemain, président Sarkozy doit faire un discours sur le Maroc et il est hors de question de revivre le pataquès de Dakar. Mais président Sarkozy, sur le sujet, il est très à l'aise, puisque Faudel est son ami. Tu sais que mon meilleur ami est maghrébin. Ça te choque pas, toi? Non, je sais, parce qu'il y a des gens que ça choque. Non, de toute façon, toi, si t'es pas raciste, t'as aucune raison de te choquer. Il est super sympa. On fait souvent la fête ensemble. Je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'il est arabe, j'aurais pas lui parler. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je trouve qu'il y a aucune différence. Au contraire. C'est vrai que les Arabes, depuis qu'ils ont inventé les maths, ils ont plus fait grand-chose. Alors, est-ce qu'ils sont jaloux de tout ce que nous, on a inventé depuis ? Asdine me dit que non. Moi, je vais pas le croire, parce que c'est mon meilleur ami. Puis, je suis pas raciste. Mais qu'il la ramène pas trop quand même, quoi. Oh là là. Bernard Kouchner se dit que ça va tout de même être un peu compliqué face à Mohamed VI pour la rencontre prévue le lendemain. Mais bon, la nuit porte conseil, il est tard et toute la petite compagnie va se coucher au Riyad al-Loukoum, spécialement loué par président Sarkozy, à deux pas de la place Jama El Fna. Le lendemain matin, alors que la plupart des ministres dorment encore, Nicolas Sarkozy retrouve Rachida Dati dans le patio du Riyad al-Loukoum afin qu'ils prennent ensemble leur petit déjeuner. Rachida, elle, a très bien dormi, mais pas Nicolas. Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin ? Vous avez fait taire le muezzin ? Le ? Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Rachida Dati ne répond pas à cette remarque de Nicolas Sarkozy et se contente de beurrer une nouvelle tartine présidentielle qui est rapidement avalée puisqu'il est grand temps de rejoindre Mohamed VI qui les attend au palais royal de Marrakech. C'est en fin de matinée donc que Nicolas Sarkozy arrive au Palais Royal où un garde le conduit aussitôt auprès de Mohamed VI. Et là, la discussion entre les deux chefs d'État s'engage immédiatement. Moi je préfère que le Maroc achète des avions français plutôt que des avions américains. Mais quand les Américains arrivent à donner leurs avions, eh bien je me dis je vais regarder comment ils vont faire puis la prochaine fois ils ne le referont pas. Excuse-moi, dis donc, je suis là ou pas ? Et voilà que maintenant, tu veux me laisser tomber ? C'est ensemble que nous lutterons efficacement contre ces deux fléaux qui nous menacent tous. Nos valeurs et nos croyances. Mais il n'en est pas question, je regrette, j'y suis, j'y reste. Au Maroc, les partis ne font pas de politique. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien ? Au Maroc... Vous voulez quoi ? Si la diversité est bonne en France, si la diversité est bonne au Maroc, alors convenons que la diversité devrait être bonne dans le monde. Ça n'arrivera jamais. Réveille-toi, mon pote, faut faire la pause couscous. Ça serait de l'arrogance et je refuse toute forme d'arrogance. C'est ça, oui, je te crois. L'Union méditerranéenne, nous la ferons dans le respect de nos différences. Nous verrons bien. Top là, qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde ? J'espère que vous l'avez compris. La France aime le Maroc. Super ! Ah oui, c'est bien joué. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve ça plutôt louche. Et en effet, les bases de la conversation sont plutôt louches entre M6 et président Sarko. Alors qu'avec TF1, ça marche beaucoup mieux. Bon, d'accord, le roi du Maroc nous achète un TGV et une frégate. Mais le président français, lui, a choisi un magnifique tambourin avec une peau de chèvre, un superbe cendrier en argile cuite et vernie, décoré d'entrelacs rouges sur fond jaune, ainsi qu'un très élégant guéridon hexagonal en bois de cèdre peint à la main. C'est alors qu'en fumant un narguilé, Nicolas Sarkozy, très heureux d'être à Marrakech, explique à Mohamed VI qu'avant d'acheter un TGV, ben... Pour revenir à ce que vous disiez là, développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... S'il n'y avait pas les Occidentaux, hein ? Les deals ? Quand on voit le bazar que c'est dans la rue... Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié. Il faut se réveiller. Hein. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible. Hein. Wow. Hmm. Il s'agirait de grandir. Quand il entend les propos de Nicolas Sarkozy, Mohamed VI a le même réflexe que Cecilia. Il le vire. Sauf que Nicolas Sarkozy, comme tout bon guide touristique, il n'a pas besoin du roi pour organiser sa soirée. Et il décroche donc son téléphone portable. Allô, passez-moi le 19. Mon pote, le DJ, il crache à Marrakech. Allô ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce zouk ? Décidément, Nicolas Sarkozy ne peut plus se passer de la panique, qu'il écoute en balado-diffusion, même au dancing. Et comme le dirait Nicolas Demorand, et maintenant on écoute Barton. C'est vrai, j'avais juré naguère être tombé amoureux de vous. Mais voilà, quand on tombe, ma chère, il arrive que l'on se remette debout. C'est vrai, nous formions un pluriel plutôt singulier, moi et vous. Mais je crains que bientôt c'est cruel. Et moi ne se disent plus nous. Faut-il vraiment que je développe, que je vous glisse dans une enveloppe, mes raisons en salaud dans le texte, mes salutations, ma chère ex. C'est vrai, jadis je relevais vos défis, j'étais votre esclave des nuits entières. Elles ne sont plus très blanches, nos nuits, et longues, un vrai solstice d'hiver. C'est vrai, je goûtais assez vos rondeurs, j'aimais vos atouts plantureux. Aujourd'hui, je trouve du charme à la minceur, et que vous devriez vous surveiller un peu. Faut-il encore que je développe, je vous glisse dans une enveloppe, mes raisons en salaud dans le texte, mes salutations, ma chère ex. Ma chère ex, c'est ce que déplore Barton qui vient de se faire plaquer et depuis t'agine même pas combien il a souffert. Alors pour digérer, il relit ses vieilles lettres d'amour et il savoure car c'était à la menthe. Alors, pour prolonger notre échappée marocaine, toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps désormais, à 11h46, de retrouver nos deux consultants, Monique Lagazelle et Jean-Claude Le Chameau. Avant tout, sache que le vendredi 12 octobre dernier, date de la fin du Ramadan, notre joyeux couple a été invité par une amie marocaine de Monique à venir célébrer la fête de l'Aïd dans sa famille. Jean-Claude ignorait que Monique avait une amie qui se prénommait Adélaïde, jusqu'à ce qu'il comprenne une fois sur place qu'il s'agissait en réalité d'une soirée musulmane. Toujours est-il que Jean-Claude et Monique se sont très vite sentis très à l'aise, le tagine était délicieux, le boulawan merveilleux, et que dire de cette ambiance musicale qui a enchanté Monique ? Parmi les convives en short, en jean ou en djellaba, Jean-Claude a fini par lever les bras en criant « Bébé, Inch'Allah ». Et puis, vers 2h du matin, Monique et son grand vizir ont repris la route en direction de Grosboul-les-Bains. C'est alors que dans la bagnole, Monique s'est mise à rêver tout haut auprès du Jean-Claude. « Je me verrais bien à Marrakech, avec Paul Clé. Nous boirions du thé à la menthe, avec les chameaux, les palmiers. Assis sur des cubes de couleur, il y aurait de petits Marocains farceurs sur le seuil bleu des Maisons Blanches. Nous irions à la Mamounia, nous parlerions de Delacroix. Ouais, Jean-Claude se dit que c'est en intraveineuse qu'elle se lébit le Marocain, la Monique. Encore que, le lendemain matin, cette idée farfelue d'avoir un pied-à-terre au Maroc a considérablement perturbé Jean-Claude. Après tout, pourquoi ne pas se payer un petit riad à retaper à Marrakech, histoire de passer ses vieux jours au soleil, vautré sur un pouf à déguster des loukoums. C'est ainsi que lundi dernier, après avoir posé 3 jours de congé, Jean-Claude s'est envolé seul pour le Maroc à la recherche d'une casbah de fortune. À peine descendu de l'avion, Jean-Claude se retrouve un peu paumé devant l'agitation légendaire des villes du Maghreb. Il se met à penser que la présence de Monique n'aurait pas été inutile, mais Jean-Claude a préféré venir seul choisir leur riade à restaurer, ce futur palais à offrir à sa Rose des Sables. Après avoir passé un bon quart d'heure devant les charmeurs de serpents, Jean-Claude décide d'aller déguster quelques baklawa à la fleur d'oranger. Quand tout à coup, un guide local vient l'interpeller. Oh, mais non, ce guide, c'est donc comme M. Sarkozy, bon sang. Dis-moi, tu connais Marrakech? Attention, je te parle de Marrakech l'intrépide. Marrakech, la perle de l'Afrique du Nord. Marrakech, la rouge. Hein? Eh bien, pour toi, je vais t'emmener au pays des mille et une nuits. Et n'oublie jamais, dans Marrakech, il y a Mara. Mara, Mara, Maran, rigolo. Et puis, il y a Kesh. Qu'est-ce que c'est sympa, Marrakech! Hop, taxi! Ah oui, alors attention, n'oublie pas, à partir de maintenant, tous marchandes. Salam alaikum, monsieur. Ça veut dire bonjour, monsieur. Pour le centre-ville, combien? 200 dirhams. Allez, 30, on n'en parle plus. 200 dirhams, 200 dirhams, attends, dirham à mer, moi. Allez, direction le souk. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, ce Nicolas, se dit Jean-Claude. Seulement voilà, notre potentiel propriétaire marocain ne parvient pas à se laisser séduire par les charmes de Marrakech. C'est pourquoi Jean-Claude décide plutôt d'orienter ses recherches sur Casablanca. Et là, sans Nicolas. Et une fois sur place, au cœur de la ville de Casa, Jean-Claude se sent immédiatement beaucoup mieux. Et en effet, dans la médina de Casa, une femme semble tourner autour du Jean-Claude. Bien que marocaine, elle parle un français parfait, mais elle est surprise que Jean-Claude ne la reconnaisse pas, quand même. Incroyable. Ça y est, Jean-Claude se souvient, c'est l'Aziza, une ancienne conquête à l'époque où elle vivait en France et qu'ils partageaient ensemble les bancs de l'université. Jean-Claude n'en revient pas, l'Aziza non plus d'ailleurs. Il lui explique alors qu'il est à la recherche d'un riad à restaurer. Et ça tombe plutôt bien, dis donc, puisque la princesse de Casa a une affaire à lui proposer. C'est ainsi qu'ils déambulent ensemble sur la côte de Casablanca, en direction de la baraque. Jean-Claude, qui tente de se la jouer grand poète arabe, finit par saouler un peu l'Aziza. Et devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Ouais, c'est comme cette forêt, ça s'arrête là. Après, c'est la falaise, c'est le vide. C'est pas vrai ce que tu dis, y a pas rien. Y a la mer. Puis regarde, y a un ferry qui traverse. Et puis là-bas, y a de la brume. Et derrière la brume, y a l'Espagne. Et l'Espagne, c'est le début de l'Europe. Arrête, tu me fatigues. Je sais même plus pourquoi on est venu. Je voulais me montrer la maison. Ah oui, c'est vrai, la maison. Voilà, c'est celle-là. Certes, le riad en question est en ruine, mais l'emplacement est sublime et surtout, c'est une magnifique affaire financière. Qui plus est, des ouvriers marocains sont déjà au boulot pour le gros œuvre. Jean-Claude est follement emballé et il s'approche des artisans de Casablanca présents sur le chantier afin de tenter de gagner très vite leur sympathie. C'est l'histoire d'un chien français avec un os dans la bouche, qui rencontre un chien marocain qui n'a pas d'os dans la bouche. Et le chien marocain, il aimerait bien lui prendre son os, alors il pense à un subterfuge. Et il dit au chien français, « S'il vous plaît, comment tu s'appelles ?» Le chien français, il répond, « Ben, Jacques. » L'os, il tombe, le chien marocain, il se précipite dessus, ce crevard. Le chien français, il est dégoûté, il aimerait bien récupérer son os. Alors, à son tour, il pense à un subterfuge et il dit au chien marocain « Et vous? Comment vous appelez-vous » Et le chien marocain, il répond « Driss !» Très bien. Jean-Claude constate que tout le monde se marre. Assurément, cette grosse blague est un succès. Mais les ouvriers ont bien compris que Jean-Claude considère donc les Marocains comme des voleurs. C'est alors que Mustapha, le chef de chantier, propose de servir un thé à la menthe à tout le monde afin de trinquer à la santé du nouveau propriétaire du riad. Bon, bah au départ de Jean-Claude. Casse-toi Jean-Claude! Casse-toi Jean-Claude! Jean-Claude se dit qu'il y a un malentendu là, puisqu'on vient de lui promettre l'achat du riad. Sauf que c'est non, la zizanie complètement. après sa blague à 3 balles, là, il est hors de question que Jean-Claude vienne s'installer ici. Et l'Aziza compte bien le faire savoir à tout le Maroc. Résultat, mercredi dernier, Jean-Claude est rentré bredouille à Grosboul-les-Bains. Fin de l'histoire. Monique, elle, n'a pas bien compris les raisons de cet échec. Faut dire aussi que Jean-Claude n'a pas été très explicite. Mais bon, comme Monique reste persuadée qu'ils auront bientôt un sublime riad à Marrakech, du coup, elle est devenue monomaniaque sur la bouffe et c'est Jean-Claude qui s'y colle. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. J'ai une jolie femme dont je suis épris. Mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre et me dit d'une voix menue. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. C'est le défi que la mère Azam lançait à Bob en 1960. Alors que la mère Guèze, elle, lui aurait dit tes mêmes pois chiches de faire un tagine. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre périple marocain. De la guerre du Rif au Rififi de Sarkogéo, du Salam Aleikoum au Malekoum Salam, et du beau riad de Jean-Claude au Sahara, rien d'exceptionnel non plus, nous t'avons offert un panorama totalement subjectif et bien sûr incomplet de ce que peut être ce fabuleux royaume du Maroc. D'autant plus incomplet que le Maroc est assurément pluriel. Et pour qui voudrait saisir toute la complexité du plus ancien état du monde musulman, il lui faudrait avant tout essayer de comprendre qu'il s'agit d'une véritable terre de contraste. C'est ainsi que les charmeurs de serpents à Marrakech utilisent des téléphones portables, c'est ainsi que les imams modérés de Casablanca doivent affronter les intégristes du salafisme takfiriste, et c'est ainsi que du haut des gratte-ciels de Rabat, on aperçoit les bidonvilles de Fès. À coup sûr, se rendre au Maroc demeure une expérience envoûtante que vous n'oublierez jamais. Il y a 4 villes que vous n'oublierez jamais. Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech. Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech. Casablanca, Rabat, Fès, Casablanca, Rabat, Fès, Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech. C'était Francis Bebet, un griot camerounais de passage au Maroc. Voilà, fin du 92e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi le Maroc, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter